Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, 1918. Après la guerre, les années folles. Une série documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a l'envie d'explorer la sortie de guerre et de scruter une société qui se reconstruit après la grande boucherie qu'on n'en peut plus de commémorer. Plus qu'une victoire, c'est la fin d'un cauchemar et le début de l'invention d'un mythe, celui des années folles. Alors pour commencer, les personnages. Un écrivain urbain, un auteur démobilisé à l'hôpital, un orphelin en rupture, Gertrude Stein, une historienne de l'écriture, un généreux dépressif, des femmes artistes et pas muses, des minorités libres, une historienne d'émigration, des auteurs oubliés et Hemingway et Fitzgerald au tapis. Ensuite le décor. Une génération perdue, Montparnasse et la bohème, l'alcool et la légende dorée, des promenades, des terrasses de café, le Dôme et le Select, l'hôtel Foyot, la nostalgie, le diable par la queue, des suicides, une parenthèse enchantée et la guerre en embuscade. Aujourd'hui, troisième épisode, on écoute un récit de voyage. Nous traversâmes la Manche et arrivâmes à Paris vers 6h du soir. Le temps était sombre, humide, il tombait une neige légère, et des fenêtres du train, la cité ne paraissait pas à son avantage. Mais il me suffisait de penser que je me trouvais dans la ville de Baudelaire, Outreau et Apollinaire pour être envahi d'une joie si forte qu'elle confinait à la nausée. Le terme de génération perdue, ça désigne ces jeunes hommes qui ont connu la guerre et qui ont totalement changé d'existence. Ils seraient peut-être restés boutiquiers, professeurs ou quoi que ce soit. Et à Paris, ils se sont révélés. En feuilletant un journal, nous avions lu une réclame vantant les mérites d'un hôtel près la gare du Montparnasse. Le Jules César était charmant. Des écrivains américains à Paris. Une génération perdue. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Diffy Mariani. Donc, génération perdue, c'est cette génération fracassée et puis de façon très arbitraire, tous ces gens qui ont écrit, qui ont œuvré, qui ont créé. Notre chambre, quoique sans fenêtre, possédait une lucarne qui nous permettait, juché sous le bidet, de voir une cour d'aspect médiéval. C'est ça la génération perdue. C'est cette période extrêmement active, prolifique, créative, dans un laps de temps extrêmement court. C'est ça qui est fascinant, c'est que dans un endroit aussi ténu que Paris, même si c'était un endroit qui à l'époque avait une influence considérable, comment en si peu de temps il s'est passé autant de choses. La chambre coûtait $20 par mois. Et l'on pouvait se faire servir le petit déjeuner au lit. Pour 15 cents. Il trouve à Montparnasse effectivement un quartier qui reste encore assez bohème. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui concentre tout ce qui est galerie de tableaux, académie de peinture, boîte de nuit, restaurant de tout type, hein, de luxe jusqu'au petit restaurant pauvre où on mange de la nourriture qu'on a récupérée dans les poubelles. Enfin, il y en a pour tout le monde. On ne dit jamais assez que le taux de change est un des éléments constitutive du charme parisien. Je crois que nous avons d'autant plus admiré la ville que nous pouvions manger et boire quasiment à discrétion. Les Américains à Paris, ils sont venus parce que ils ont été très prohibés en Amérique. Ils ne pouvaient rien exprimer. C'était très puritain après la guerre de 14. Sylvia Beach, 1963. Et il y avait une période où on ne pouvait pas boire, on ne pouvait pas écrire, ni peindre, ni rien faire de ce qu'on voulait. Et alors ils sont venus à Paris en masse pour trouver la liberté, pour pouvoir boire et écrire et s'exprimer. Sylvia Beach nous disait que, en gros, les Américains venaient à ce moment-là en grande partie à cause de la Prohibition. Ça vous paraît être juste ? Pas du tout, pas du tout. Man Ray, 1963. Moi, j'ai commencé à boire pendant la Prohibition à New York. Jamais bu avant. Et dès que c'était défendu en bon puritaine, j'ai commencé à boire. En France, j'ai appris à boire du vin. Ça, c'était tout à fait autre chose. Il y avait une légende dorée déjà de Paris. C'était une ville de liberté. Il y avait aussi une laïcité qui faisait que ça contrastait avec cette espèce de puritanisme, cette ambiance de religiosité américaine. On pouvait boire à discrétion, on pouvait aussi se livrer à toutes les débauches que l'on voulait si l'on était discret. Donc c'est vrai que c'était un endroit de liberté, mais aussi bien moral, intellectuel que sexuel. J'ai écrit les trois premiers chapitres de ce récit à Paris en 1928. J'avais 18 ans. La suite, je l'ai composée en 3 mois, durant l'hiver 1932, alors que j'étais à l'hôpital, dans l'attente d'une opération cruciale. À cette époque, mon intention était de revivre une période de grand bonheur. Après avoir survécu à l'opération, je me suis détourné de ma jeunesse et je ne me suis pas repenché sur le manuscrit. Jusqu'à ce jour. John Glasgow, octobre 1969. My name is John Glasgow. I'm 18 years old. Je m'appelle John Glasgow. I'm living in Paris. J'ai 18 ans et je suis à Paris. Ces écrivains qui se retrouvent donc à Paris après la Première Guerre mondiale, il faut bien voir que cette expérience parisienne représente une rupture et une transformation très radicale. Alice Béja. D'une part, ils ont fait l'expérience de la guerre qui les a profondément traumatisés. Ensuite, ils se retrouvent plongés dans un milieu intellectuel, artistique, dont ils n'ont pas connu d'équivalent quand ils étaient aux États-Unis. Il faut bien voir que ces gens sont très jeunes, hein, ils ont autour d'une vingtaine d'années. Et troisièmement, c'est ce séjour parisien qui va pour la plupart d'entre eux lancer leur carrière, puisque c'est là qu'ils vont être publiés dans des revues, être publiés par des petites presses. Pour certains d'entre eux, comme Dos Passos, c'est encore plus radical, puisque sa mère est déjà décédée, son père décède en 1917, donc en fait, son arrivée en Europe coïncide aussi avec une prise d'autonomie de facto, puisqu'il est orphelin, il n'a plus de parents. Et donc, pour toutes ces raisons, il s'agit vraiment d'un moment de transformation et qui va ensuite les nourrir tout au long de leur carrière, même quand ils seront revenus aux États-Unis depuis des années. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de parler d'un mouvement au sens strict, c'est-à-dire que ces écrivains auraient en commun des canons esthétiques, des procédés formels, etc. En revanche, parler de génération est tout à fait justifié, puisque une génération se définit par des événements marquants qu'elle a en commun. Et là, en l'occurrence, on a l'événement marquant qu'est la guerre, on a le lieu géographique qu'est Paris, et on a également le fait que ce sont ces éléments-là qui ont contribué à lancer la carrière de tous ces auteurs. La légende veut, ça, on trouve ça dans « Paris est une fête » de Hemingway, il raconte qu'en fait, ce terme de « génération perdue » lui vient de Gertrude Stein. Vincent Bouvet. Qui un jour lui raconte qu'elle était allée en vacances là, du côté de Lyon, où elle avait ses habitudes, et sur le chemin, elle s'arrête dans un hôtel, elle dépose sa voiture au garage de l'hôtel en disant « écoutez, vous faites quelques réparations, etc. Bon. » Le lendemain, la voiture est réparée, tout se passe très bien, et alors elle félicite le directeur de l'hôtel en lui disant bah, « Écoutez, vous remercierez le petit mécanicien, c'est merveilleux, tout est très bien. » Et alors le directeur aurait répondu à Gertrude Stein « Ah bah oui, lui, vous savez, c'est un petit jeune, il sait travailler, il n'a pas de problème, c'est pas comme les autres là-haut qui sont allés sur le front, qui sont complètement fracassés. Et vraiment, c'est vraiment une génération perdue. » Alors le terme, c'est qu'effectivement, c'est tous ces gens qui ont été, je dirais pas victimes, mais qui ont été un petit peu broyés par une période vraiment de transformation, de bouleversement profond, et qui pour certains ben non, sont jamais sortis, et puis d'autres qui au contraire ont trouvé à rebondir et faire qu'ils ont trouvé au fond d'eux-mêmes quelque chose peut-être qu'ils n'auraient jamais trouvé s'ils n'avaient pas été traumatisés. Les motivations du départ sont diverses. En ce qui concerne Dos Passos Hemingway, Fitzgerald, E. Cummings et d'autres, c'est leur engagement dans la guerre, alors qui ne signifie pas nécessairement qu'ils y participent. Fitzgerald ne verra jamais le front, mais ils s'engagent dans des corps d'ambulanciers volontaires, souvent, pour aller voir cette boucherie européenne contre laquelle ils se sont élevés pour beaucoup aux États-Unis au moment où Wilson annonce l'entrée en guerre des États-Unis. The world must be made safe for democracy. Ils ont le sentiment justement que la guerre a créé une rupture politique, mais la guerre a créé une rupture esthétique. Et cette rupture politique et esthétique sont intrinsèquement liées, puisque bien entendu c'est aussi beaucoup lié à la parole politique, et notamment la parole de Wilson, qui a commencé par dire qu'il n'entraînerait jamais les États-Unis dans une guerre européenne, a fini par déclarer la guerre, a dit qu'il faisait la guerre au nom des valeurs de la démocratie. Or, tout ce que ces jeunes gens ont vu sur le terrain, c'était une boucherie absolument innommable, sans que la démocratie ait grand-chose à voir là-dedans. Donc cette inadéquation entre les mots et les choses se traduit ensuite, littérairement, par une esthétique de la rupture, de l'ellipse, du montage, qui fait que voilà, il n'est plus possible de raconter les choses de manière continue. Et ça, on le voit très clairement, aussi bien dans les œuvres de Dos Passos que dans celles d'Hemingway. Cette impossibilité de l'adéquation entre les mots et les choses. Dans Hemingway, c'est la fameuse phrase où il dit que les mots de gloire, d'honneur, etc. sonnent creux et n'ont plus aucune validité. Et puis, il y a quand même une série de représentations aussi, parfois grandement idéalisée, d'une Europe qui serait, malgré la destruction de la guerre, en fait, qui serait encore beaucoup plus accueillante vis-à-vis des artistes, qui apprécierait beaucoup plus l'art et la culture que les États-Unis, qui sont perçus comme un pays matérialiste où le public ne s'intéresse pas à l'art. Qu'on appelle la génération perdue, ce sont des gens qui trouvent un contexte qui fait qu'on n'est pas là uniquement pour faire de l'argent, que les choses de l'esprit ont de la valeur et que les gens aiment ce qui est beau. Et donc c'est vrai que ça fait un contraste avec une société américaine qui est extrêmement brutale, ségrégationniste, avec une certaine hypocrisie de par la religion qui vraiment imprègne le quotidien. Et donc ce qui les a réunis, c'est le fait que, en fait, en Europe, il existait encore des plages de liberté et que le monde n'était pas encore perverti par le machinisme et la finance. Lors de notre première semaine à Paris, elle ne sortait jamais de Montparnasse. On se contenta de passer d'un café-restaurant à un autre. C'était le début du mois de mars, et les terrasses closes et chauffées étaient les meilleurs endroits pour s'asseoir et affecter de travailler, car il s'agissait plus d'une attitude que d'autre chose. Ils écument les bars, mais les uns après les autres. Maud Simoneau. Ils commencent très tôt le matin, donc à la bière, et puis ensuite, toute la journée, ils se déplacent de terrasse en terrasse avec le soleil. Ils arrivent dans certains bars, ensuite ils vont au Select parce que c'est un de ceux qui ferment le plus tard, et puis après, ils vont jusqu'à Pigalle, dans des boîtes de nuit, les boîtes de jazz, comme les boîtes de Bricktop, par exemple, à l'époque, voilà, pour écouter de la musique toute la nuit. J'étais de plus en plus asservi à la beauté de Paris. Rouler en taxi découvert dans les rues pavées de blocs de bois bitumés était un grand plaisir. Presque chaque matin, nous faisions une expédition place de la Concorde. Puis, nous nous en revenions à pied à Montparnasse pour prendre le petit déjeuner au Dôme et au Select. J'étais si parfaitement heureux qu'écrire ne m'intéressait pas. On les voit, sont des grands marcheurs. Hemingway ou McAlmon sont des personnes qui traversent tout Paris au petit matin pour revenir finir avec un café crème ou une bière à nouveau au Dôme, à la terrasse. Voilà. Néanmoins, je parvins à achever Conan's Fig et à écrire les premiers vers d'une bonne douzaine d'autres poèmes surréalistes. Après cette poussée créatrice, je ne fis rien d'autre qu'arpenter certains quartiers insolites du vieux Paris. On oublie vraiment que quand ils sont arrivés, pour la plupart, c'était des gamins. McAlmon et puis Hemingway, ils ont une vingtaine d'années quand ils arrivent. Donc évidemment, pour eux, c'est une rupture avec les États-Unis, mais aussi avec leur famille. C'est pour les gens qui sont comme McAlmon, homosexuels, bisexuels, ou Nancy Quenard, ces femmes qui se sont vraiment libérées quand elles sont venues à Paris. C'est un endroit où on pouvait vivre comme on voulait. Et ça, c'est la réalité. Paris est une ville où les mœurs sont beaucoup plus libérées qu'aux États-Unis et où tous ces jeunes gens peuvent vivre la vie qui leur convient. La rue Mouffetard, la Contrescarpe, la rue des Tanneries, la Halle aux Vins. Rendez-vous demain, rue du Pont-Biche. Ou rue du Trésor, si tu veux être riche. La rue de la Gaieté, le quartier Alésia et le petit entrelac entourant la place Saint-Michel. On fera notre nid, rue de l'Hirondelle. La rue Galland, le passage des Hirondelles. La rue de la Huchette, les églises Saint-Séverin et Saint-Julien-le-Pau. Robert McAlmon est intéressant aussi parce que c'est un des premiers qui arrive dans la notre génération à Paris. Il arrive en mai 1921. Pour situer Hemingway, qui arrive lui aussi assez tôt, arrive en décembre 1921. Et ça sera un des Américains qui partira le plus tard. Il est chassé par la guerre en 1941. Donc il va rester 20 ans à Paris et il aura l'occasion de faire plein d'allers-retours et de s'installer dans plein d'hôtels différents, notamment juste à côté, rue de l'Ambre. Et puis, on va faire un petit périple pour montrer les endroits qu'il fréquentait. On va passer par le boulevard Raspail. À côté, il y a la rue Notre-Dame-des-Champs, où vivait Ezra Pound et où a vécu à un moment donné aussi Hemingway. On va repasser rue de Fleurus au 27, l'adresse fameuse de Gertrude Stein. En remontant, on passera devant un des endroits où habitait Francis Scott Fitzgerald, à l'angle de la rue de Vaugirard. Et puis ça nous emmène en face du Sénat, rue de Tournon, à un endroit qui n'existe plus, qui était l'hôtel Foyot, où a habité Robert McAlmon, qui est juste à côté de Shakespeare & Co. On finira notre périple parce que Shakespeare & Co, c'était un des endroits incontournables pour les Américains à Paris dans les années 20. Au point de vue littéraire, c'est vrai que beaucoup d'écrivains américains étaient fascinés par les écoles européennes, françaises en particulier. Et il y a deux grands écrivains américains. Il y a Henry James et puis une femme qui est Edith Wharton, qui effectivement, elle est carrément devenue française. Enfin, elle a vécu la plupart de sa vie en France. Et ce sont des Américains qui se sont imprégnés de la culture européenne et qui ont donné à leurs lecteurs en Amérique, bon, c'était les classes favorisées évidemment, une vision de l'Europe qui a subjugué ces riches Américains qui pensaient que l'Amérique était innocente, mais qu'il était peut-être bien parfois d'aller se frotter un petit peu à la décadence européenne. Et puis alors quelqu'un aussi alors qui est intermédiaire entre ses grands ancêtres et puis l'avant-garde de la Lost Generation, enfin la génération perdue, c'est Ezra Pound, qui est un avant-gardiste, un amoureux de la littérature, qui effectivement fait la jonction entre la littérature d'autrefois puis la littérature en devenir. Alors, il est le correspondant de plusieurs revues littéraires, bon, de toute façon, des tirages extrêmement discrets, très réduits, mais il fait le lien parce qu'il est aussi d'abord installé à Londres. Il trouve que Londres est une ville terriblement conformiste, où il n'y a pas du tout cette étincelle, cette excitation intellectuelle qu'on trouve à Paris. Et donc, il arrive avec déjà un très très beau carnet d'adresses. Il connaît absolument tout le monde sur la côte Est qui s'intéresse à la littérature. Il connaît les écrivains français, il connaît les universitaires des deux côtés de la Manche et de l'Atlantique. Et donc, effectivement, c'est lui qui va faire l'intermédiaire intermédiaire entre ces deux mondes. Et dans la catégorie aussi des ambassadeurs qui ont fait cette école, qui n'en est pas une, mais enfin, disons, ce que l'on appelle la génération perdue a été aussi vivante et diversifiée, c'est qu'ils sont passés sous les fourches codines de Gertrude Stein, qui était effectivement la référence absolument incontournable à Paris pour tout Américain qui voulait un petit peu savoir ce qui se passait, tenter sa chance, rencontrer la personne qu'il fallait. Il fallait passer par le salon de Gertrude Stein, qui était une personne extrêmement difficile, qui avait un caractère atroce, qui avait ses favoris et les gens qu'elle détestait. Donc c'était sans nuance, et donc il fallait lui plaire, puis quitte à ensuite être jeté. Il fallait de toute façon passer par Gertrude Stein pour savoir exactement qui était qui et comment on arrivait à faire son chemin. Rue Vavin, boulevard Raspail et rue de Fleurus, et on arrive sur le Luxembourg directement. Parce que le boulevard Raspail, il passe la rue de Fleurus, elle doit être juste à côté. Attention. Là. Oups. Nous prîmes le boulevard Raspail dans la lumière bleue prune de ce soir de juin. Arrivé rue de Fleurus, nous fûmes accueillis à la porte par Gertrude Stein, vêtue d'une robe coupée dans une espèce de joute qui descendait jusqu'au sol. Elle semblait absolument irrécusable. Celle-ci, la rue de Fleurus, faut qu'on tourne à gauche. Son regard me jaugea, me congédia, en tant que persona incognita, puis revint à son cercle d'intime. Alors là, on a eu beaucoup de chance parce que la porte était ouverte, donc on a pu rentrer au 27 rue de Fleurus. Donc on arrive dans l'endroit où Gertrude Stein vivait depuis le début du XXe siècle. Elle a eu un salon ici au début avec son frère et puis ensuite avec Alistoclas. Et donc Gertrude, qui était au rez-de-chaussée, qui vivait au fond de la cour, a reçu tous les peintres et les écrivains de la Lost Generation. Elle voit Robert McElmon au 23. Il arrive ici avec Mina Loy. Mina Loy, qui est restée connue comme étant la veuve de Arthur Cravant. Et pour Gertrude Stein, la rencontre de Robert McElmon, c'est une rencontre essentielle, puisqu'elle écrivait depuis des années The Making of Americans, son grand chef-d'œuvre. Personne ne voulait le publier. Et que Robert McElmon, dans sa maison d'édition qui s'appelait donc Contact Édition, va être l'éditeur tombé du ciel, qui, à 29 ans, va publier cette œuvre monumentale chez Contact. Il a publié Mina Loy, il a publié Hilda Doolittle, sa femme Breyer. Il a pu donner aussi un écho à une génération de femmes qui étaient un peu laissées pour compte et qui ont été des femmes comme Nancy Gunnard ou Peggy Guggenheim qu'on a figé dans un rôle de muse, alors que McElmon à l'époque est un des hommes qui, le premier, leur a laissé leur chance de montrer qu'elles étaient aussi des grandes intellectuelles. Et McElmon, c'était un écrivain que l'on appelait le parrain de la génération perdue. C'était un homme qui était extrêmement brillant, attachant, généreux. Il a servi là aussi de faire valoir des écrivains. Il écrivait lui-même, il avait énormément de peine à rédiger. Et donc il a servi, de par sa nature et de par la fortune dont il disposait par un mariage blanc qu'il avait fait avec une écrivaine britannique, il a effectivement fondé une maison d'édition, il a soutenu des écrivains, il a entretenu une cour de soifards. Mais du coup, on devient complètement épris de ce bonhomme qui était vraiment la générosité même et qui a vécu très tristement parce qu'il sombrait dans l'alcool, il était totalement déprimé et il a terminé sa vie tristement. Il est mort seul dans le désert du Mexique parce qu'une fois la période parisienne passée, tout le monde s'est désintéressé de lui, tout le monde l'avait bien exploité, puis après tout le monde l'a oublié. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a connu tout le monde, qui a mis tout le monde en rapport, qui a publié des nouvelles, des romans. D'ailleurs, il le disait clairement, il disait « moi je fonde ma maison d'édition pour publier ce qui ne sera de toute façon publié nulle part ». Voilà. Donc je fais le pari que dans les gens que j'ai repérés, je suis sûr que l'histoire leur rendra raison et qu'ils auront contribué à l'histoire littéraire. Donc McElmon, c'est un type bien. Dans les nouvelles de Robert McElmon, on voit vraiment aussi le milieu interlope, l'envers du décor à Berlin. C'est le premier qui parle longtemps avant Isherwood des homosexuels. Enfin, venant ici, il n'a plus du tout de rapport avec la religion. Le père pasteur et tout ça est totalement derrière lui. Et ensuite, il peut et publier des autres homosexuels comme il l'entend, et lui-même avoir toute une sorte de vie comme ça, qu'il ne met jamais en avant. Avec du recul, McElmon est quelqu'un qui a eu la chance d'être ici, parce que pendant 20 ans, il a fait ce qu'il voulait, et sans doute que s'il était resté aux États-Unis, il n'aurait pas pu le vivre comme ça. va faire le tour par l'extérieur du Luxembourg, ce sera plus facile, comme ça on passera devant la rue Tourneau. Ce qui est frappant, c'est que en fait, c'est une période dans laquelle se libère, se développe, s'exprime des minorités. C'est-à-dire que vous avez des minorités de genre, donc les femmes ont leur mot à dire, elles prennent place, elles s'imposent, elles vivent leur vie, elles vivent leurs préférences sexuelles, elles vivent la façon qu'elles veulent d'écrire, d'aborder les sujets qui leur plaisent, sans avoir affaire à un mari, un époux, un fils, un père. Il y a des femmes aussi qui créent, alors qu'en général on les contingentait dans le rôle d'égérie. Il y a des femmes photographes, il y a des femmes sculpteurs. Donc il y a effectivement donc les minorités de genre, les minorités sexuelles, c'est-à-dire que on montre son goût intime, c'est-à-dire que lorsqu'on est homosexuel, eh ben, on vit ses goûts profonds, on n'a pas à se cacher, on n'a pas à craindre surtout d'être poursuivi par la justice. C'est aussi le développement, enfin le début de l'émancipation des minorités raciales. Donc les Noirs américains découvrent qu'en France, on a le droit de parler, on a le droit d'écrire, on a le droit de se promener, on n'a pas à rendre compte, à s'excuser. Donc ce sont les prémices du XXIe siècle. C'est-à-dire que vraiment à Paris, grâce à cette génération perdue, se mettent en place ce qui fait la particularité de la civilisation occidentale au sens large, qui à partir de 1945 fait qu'effectivement on n'ostracise plus les gens comme on a eu l'habitude de le faire et que maintenant effectivement chacun a droit à s'exprimer et à contribuer à l'enrichissement général. Et donc ça c'est très important parce que c'est Paris qui a vraiment, dans ce cas-là, servi de creuset et ensuite l'exemple s'est répandu. Ben, évidemment, c'est pas un combat gagné. Mais disons que ça a permis de mettre en place tout ce qui était la possibilité de s'exprimer quand de toute façon on était déconsidéré. On est passé tout à l'heure devant la rue de Tournon. Là, il y avait autrefois, à l'angle de la rue de Vaugirard et de la rue de Tournon, un endroit qui s'appelait l'Hôtel Feuillot, qui n'existe plus, qui était un restaurant et un hôtel. C'était un des endroits où McAlmont habitait. Donc on voit qu'il était vraiment à un jet de pierre de Shakespeare & Co. L'Hôtel Feuillot, c'est aussi là où Aragon a habité à une époque et où Radiguet, en 1923, est mort. Donc c'était un des hôtels les plus importants pour cette génération des années 20 aussi. Ils ont été très nombreux à y venir. Dans les années 20 aux États-Unis, on assiste à ce qui apparaît initialement comme un double mouvement de cette vie littéraire. Donc on a d'un côté le phénomène de ce qu'on a appelé la génération perdue, à savoir des écrivains qui, au sortir de la guerre, partent en Europe. Alors certains pour y séjourner de manière durable, le plus souvent pour faire des allers-retours en fait entre l'Europe et les États-Unis, et qui développent une esthétique d'expérimentation formelle influencée par un certain nombre de mouvements avant-gardistes européens. De l'autre côté, on a une scène proprement nationale de la littérature américaine qui se caractérise, pas exclusivement mais souvent, par une satire de l'industrialisation, du matérialisme américain et d'une certaine forme aussi de provincialisme de la scène américaine. Et donc on a ces deux tendances qui se doublent chez les écrivains expatriés d'une distance par rapport à leur propre pays. Et donc là aussi, il n'y a plus de rapport évident, si tant est qu'il n'y en ait jamais eu un, mais il n'y a plus de rapport évident à l'Amérique. Et c'est pour ça que le détour par l'Europe n'est pas simplement une volonté de rompre avec les États-Unis, mais une volonté d'y faire retour par un autre biais. Et ça, c'est très manifeste. Si on regarde, par exemple, Pound, qui est considéré, en partie à juste titre, comme l'un des plus européens de cette génération, Pound, il écrit un texte qui s'appelle « Patria Mia », qui porte sur les États-Unis. Son anthologie « Des imagistes » porte un titre en français, alors qu'il publie principalement des auteurs anglophones et américains. Donc on a ce détour-là. Pareil, Dos Passos va habiter en France, en Europe, il voyage, etc. Mais ses deux ouvrages les plus marquants, c'est Manhattan Transfer sur New York et USA. Donc en fin de compte, on a quand même une volonté, par le détour, de prendre ses distances vis-à-vis des États-Unis, tout en se présentant quand même comme l'avenir de la littérature américaine. Il y a aussi une démarche esthétique dans cette recherche du détour, c'est-à-dire de se dire « je ne peux pas dire les États-Unis en y étant ». Il faut que je mette de la distance entre ce pays et moi pour pouvoir en dire quelque chose. Alors à un moment donné, il va falloir y retourner, mais ce qui est intéressant, c'est que justement cette perspective du détour induit presque automatiquement le retour. Et c'est ce qu'on va observer, il y en a quelques-uns, hein, comme Miller qui reste en France, mais la plupart de ces auteurs-là vont finir part retourner aux États-Unis à la fin des années 20, et pour certains d'entre eux, ça va d'ailleurs s'accompagner d'un engagement politique plus marqué qu'il ne l'avait été jusque-là. On dénombre 40 000 Américains à Paris. C'est l'estimation de nombre de citoyens américains, citoyens états-uniens qui sont à Paris à ce moment-là, au milieu des années 20. Nancy Green. Après la crise, il va y avoir un reflux. Les gens vont partir, donc ça va baisser. À l'époque, il y a une estimation que des 9 dixièmes des Américains à Paris étaient plutôt là pour les affaires, ou qui avaient des petits boulots, ou des soldats qui étaient restés, et qu'un dixième serait des artistes et des littéraires. Et donc, pour les années 20, on peut dire que les deux font partie de ce qu'on appelait, d'ailleurs, une invasion américaine, d'une certaine manière, de surtout de cette première partie des années 20, mais qui était donc de deux sortes différentes, quand même. Et ces inquiétudes étaient dans la façon de voir qu'est-ce que l'américanisation représente et qu'est-ce que ça apporte. On voyait arriver des grandes publicités pour Cadom, par exemple, et qu'on critiquait en disant « oui, mais ça fait trop ». On critiquait les lumières néons comme américains. On critiquait même parfois des « revolving doors ». Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est quand la porte tourne. Au lieu d'entrer dans une porte, il y a les portes tournantes. Apparemment, c'était une invention américaine ou c'était apporté par les Américains, je ne sais pas. Mais apparemment, il y a eu des gens qui trouvaient que c'était suspect. Mais donc, il y avait des manifestations contre les produits américains, contre une mode de vie qu'on pensait américaine. J'avais faim toute la journée. Je baissais les yeux en passant devant les vitrines des pâtisseries, incapable d'endurer la beauté des étalages. Éclairs, millefeuilles, gâteaux mocha, pavés suisses, barquettes de fraises, madeleine, cake anglais, et ces jolies choses dont j'ai jamais su le nom, en forme de voilier, coque comprise. La moitié du pont couvert de chocolat, l'autre de mocha, l'ensemble enrobé d'une riche crème au goût de noix et de nougat. Donc il y a une espèce de double mouvement si les hommes d'affaires viennent en Europe, et Paris en particulier, pour vendre la modernité américaine. Les écrivains, les artistes sont venus plutôt pour fuir cette forme de modernité qu'ils critiquent souvent dans leurs écrits ou à travers la peinture. Donc il y a différentes façons d'être en rapport avec l'Amérique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas retourner en Amérique, pareil d'ailleurs de leurs expériences parisiennes. Sans verser dans l'image d'Épinal, il est vrai que les rapports entre la France et les États-Unis sont très anciens. C'est Louis XVI qui a envoyé des armées pour délivrer les colonies du joug anglais. C'est à Paris qu'est ouverte la première ambassade avec Franklin Roosevelt. C'est à Paris qu'est ouverte la première chambre de commerce. C'est à Paris qu'est ouverte la première église anglicane américaine. Donc c'est vraiment un lieu où les élites américaines se rendent très volontiers parce que c'est une ville artistique. C'est aussi une ville où il y a un commerce d'art, notamment ancien. Il y a les maisons de couture où toutes les riches américaines viennent se vêtir. Elles viennent régulièrement sur des paquebots, elles font leur tour d'Europe et à Paris en particulier. Et puis dans les domaines artistiques, c'est vrai que la plupart des grands créateurs américains, enfin disons qui deviennent véritablement représentatifs de l'art américain, très influencés par l'Europe, mais les premiers grands artistes de dimension internationale américains sont tous formés à Paris. Les architectes vont à l'école des Beaux-Arts et les peintres se forment dans les ateliers de Montmartre, puisqu'à l'époque c'est Montmartre qui donne le là, puis de Montparnasse. Donc c'est vrai que des gens comme Richard Morris Hunt, qui était le créateur de l'architecture américaine, et puis par exemple des peintres comme Whistler, Sargent, et sculpteurs comme Saint-Gaudens, sont des gens qui sont totalement imprégnés de la leçon française. Et ils vont être les acteurs d'une période très importante pour les États-Unis et pour l'histoire occidentale. C'est The Gilded Age, ou ils appellent ça American Renaissance, où véritablement les États-Unis apparaissent comme étant un pays riche, puissant, qui crée une industrie qui se développera de façon fulgurante, évidemment, après la guerre de 14. Et ne parlons pas de 45. Rouge, piéton, rue de l'Odéon. Voilà, on arrive ici devant le 12 rue de l'Odéon. Donc, qui est le lieu historique de Shakespeare & Co. Shakespeare & Co. A été fondée en fait rue du Puitrin, qui est juste derrière, là, par Sylvia Beach. Et puis elle est venue ici en 21 pour s'agrandir un peu. Et aussi parce qu'en face, au numéro 7, là, un petit peu en diagonale, il y avait Les Amis des Livres, qui était la librairie de son amie, de sa petite amie, Adrienne Monnier. Donc elles étaient l'une en face de l'autre. Il y avait la boutique plus française et la boutique américaine qui se répondaient. Alors voilà, ils ont mis une plaque pour Sylvia Beach. Et on voit donc dans cette maison, Mademoiselle Sylvia Beach publia Ulysse de James Joyce. Faut-il que je vous raconte comment je l'ai rencontrée? Avec grand plaisir. Oui. Sylvia Beach, 1963. Alors quand je l'ai vue là, j'avais très peur parce que Spear m'a dit à l'oreille, il y a l'écrivain James Joyce. Et j'ai pensé que j'allais me sauver. J'avais peur de voir ce si grand homme. Et j'ai eu le courage de m'approcher de lui et j'ai dit, est-ce que c'est le grand James Joyce? Alors il m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Et j'ai dit que j'avais une librairie qui s'appelait Shakespeare & Company. Alors après ça, il a dit, j'irai vous voir. Et c'est peu de temps après, je crois, Sylvia Beach, que vous avez eu l'idée de publier l'Ulysse de Joyce. Je ne voyais pas de courage là. Je trouvais que c'était à faire et c'était si intéressant et si amusant. Mais je ne prévoyais pas les difficultés non plus. Comme Ulysse était défendu en Amérique, quand j'ai essayé d'envoyer les exemplaires aux souscripteurs, ils étaient tous saisis au port de New York. Il n'y avait pas moyen de faire parvenir ces exemplaires. Alors j'ai raconté ça à Hemingway. Il a dit, donnez-moi 24 heures, je viendrai vous dire. Alors, après 24 heures, il a dit, j'ai quelqu'un à Chicago, écrivez à telle et telle adresse, et il fera entrer les exemplaires par le Canada. Et c'est ce qui est arrivé. C'était un peintre qui... Et il a, tous les jours, il apportait un exemplaire d'Ulysse et traversait la frontière et, en Amérique. Et comme ça, un par un, les exemplaires sont arrivés aux États-Unis. Shakespeare & Co, c'est plus que l'endroit où Joyce a pu être édité, c'est aussi un lieu de sociabilité. Les gens viennent ici pour rencontrer Sylvia Beach, elle les introduit, elle leur présente Adrienne Monnier, ils vont manger chez Adrienne Monnier juste à côté, ils rencontrent les auteurs français qui sont aux Amis des Livres, il y a Paul Valéry, Valérie Darbaud, donc surtout très important, André Gide, donc il y a des échanges qui passent grâce à ces deux femmes. Il y a une phrase qui reste, elle aussi, qui est un peu cristallisée comme ça, mais qui dit quand même leur importance. On dit qu'elles ont fait pour le rapprochement franco-américain plus qu'une ambassade pendant les années 20. Il y a effectivement, entre 19 et 38, il y a 238 ouvrages en langue anglaise qui sont publiés rien qu'à Paris. Et des choses très importantes. Vous avez par exemple l'amant de Lady Chatterley. Bon, l'auteur est britannique, mais bon, c'est la langue anglaise. Vous avez Tropique du cancer de Henry Miller. Donc vous avez effectivement énormément d'ouvrages qui font définitivement partie du patrimoine littéraire du XXe siècle et qui sont publiés par quelques maisons très connues comme The Three Mountains Press, qui est fondée par un journaliste américain qui s'appelle Bill Bird. Vous avez donc McAlmon qui crée sa Contact Publishing Company. Vous avez Henry et Caress Crosby qui fondent leur Black Sun Press. Et alors eux, c'était ce qu'on appelle des brahims, c'est-à-dire des enfants de la riche bourgeoisie de la côte Est qui avaient de l'argent sans compter et qui effectivement, avec cette aisance financière, pu satisfaire tous leurs caprices. Tous leurs caprices. Et notamment d'être des éditeurs. Et donc ils ont créé une maison d'édition où ils publient à perte des auteurs tout à fait inconnus et faisaient aussi appel à des artistes pour illustrer des bouquins. Et puis vous avez aussi alors un personnage très haut en couleur qui s'appelle Edward William Titus, qui était le mari de Helena Rubinstein, la reine des cosmétiques, qui s'achetait une certaine tranquillité en faisant que son mari puisse avoir tout l'argent nécessaire pour avoir et sa librairie et sa maison d'édition. Donc c'est vraiment des milieux tout à fait surprenants et très vivants et très diversifiés. Dites, McAlmon, comment s'y prend-on pour rencontrer James Joyce? Me demanda Morley Callaghan. Pourquoi me servez-vous ce baratin, Sir Joyce? Si vous faites si grand cas de lui, pourquoi n'écrivez-vous pas comme lui, au lieu d'imiter votre idole constipée Hemingway? Cette prose frugale, cassante, figée, le faux naïf par excellence. Vous ne pouvez pas admirer James Joyce et écrire comme Hemingway. Les relations avec Hemingway, elles étaient merveilleuses au début. Elles étaient extrêmement proches. Il faut dire qu'ils ont quand même une trajectoire très parallèle. Ils arrivent en 1921 tous les deux. Ils se marient à peu près à la même époque. Ils vont divorcer tous les deux en 1927. Ils rencontrent les mêmes gens, ils ont les mêmes amis. Et puis, on dit qu'ils écrivent un peu de la même façon. Donc, ils ont vraiment énormément de choses en commun. Et puis, ça va devenir les meilleurs ennemis du monde. Puisque très rapidement, dès qu'Hemingway aura du succès, McAlmont va être aussi une des personnes qui l'aura en horreur. Notamment, parce que je ne peux pas faire qu'une hagiographie de McAlmont, c'était quelqu'un qui lui aussi adorait les gossips et racontait plein d'anecdotes croustillantes sur les uns et les autres. McAlmont qui ne supportait pas le côté extrêmement viril de Hemingway et puis son côté moralisateur, etc., a dit que... McAlmont et Hemingway avaient eu soi-disant une aventure en Espagne. Enfin, il a raconté plein de trucs sur Hemingway, ce qui n'a pas du tout plu à Hemingway, comme on peut l'imaginer. Et quand il a su ça, ça a été vraiment la raison de leur bagarre. Et la fin, c'est en 1929, la fin de leur relation. Il y a Dos Passos, il y a Cummings, il y a Eliot, il y a Henry Miller, il y a William Carlos Williams. Il y a tous ces auteurs qui sont connus, plus ou moins. Et c'est vrai que le fait que Fitzgerald et Hemingway aient un petit peu tenu le haut du pavé, je dirais pas que c'est plus facile à lire, mais c'est vrai que c'est plus séduisant d'emblée. C'est vrai que Fitzgerald, vous avez toujours des très belles filles, des garçons magnifiques, tout ça nage dans l'opulence, l'alcool, l'argent. C'est vrai que c'est plus amusant et plus divertissant que les états d'âme d'un type qui se console avec la bouteille ou qui a des problèmes avec l'évolution du monde parce qu'il regrette qu'on ait perdu la pureté et qui faisait le mythe de la civilisation américaine. Tu ne crois pas qu'un auteur doit s'engager de temps à autre, me dit Morley Callaghan, comme Dos Passos? Non, lui c'est carrément de la propagande. Dans 10 ans, Dos Passos sera l'oublié des lettres américaines. C'est dommage, car il a de l'envergure et de l'ampleur. Il connaît les États-Unis comme personne. Il te livre les faits, les bruits, les odeurs et le parler de tout le pays. Mais pourquoi ne peut-on garder en mémoire aucun de ces personnages? Et moi, je me disais, je ne me suis jamais engagé à rien, sauf à me préserver de tout engagement. Je n'avais pas de femme, pas de travail, pas d'ambition, pas de compte en banque, point l'usage de grosses sommes d'argent, nulle appétence pour le prestige et pas la moindre tentation d'acquérir ces choses. Dans un article qu'il consacre au roman de Hemingway, Le soleil se lève aussi, intitulé « Une génération perdue », Dos Passos critique assez vertement Hemingway pour ce qu'il perçoit comme un oubli du politique, ou du moins une tendance de Hemingway, et donc de toute cette génération qu'il qualifie de perdue, à se concentrer exclusivement sur des problèmes individuels ou interpersonnels plutôt que sur des questions collectives. En cela, Dos Passos est un peu injuste vis-à-vis d'Hemingway, puisque en fait ce qu'il ne comprend pas, c'est que sans doute Hemingway cherche autre chose, justement cherche à restituer une forme de tragique, mais qui n'est pas du tout un tragique social. Une forme de tragique qui est individuelle, qui est liée aux expériences faites par les individus. Que ce soit voilà, l'expérience de la guerre, l'expérience de l'impuissance, dans le cas du héros du Soleil se lève aussi, et Dos Passos, pour qui, finalement, ces expériences individuelles n'ont de valeur politique et esthétique que dans la mesure où elles se raccrochent à quelque chose de plus global, qui peut être la ville, comme dans Manhattan Transfer, qui peut être la vie politique de tout un pays, voire de tout un monde, comme dans USA. Et c'est pour ça que, en fait, Dos Passos ne peut pas comprendre, ou refuse de comprendre, ce qui est possible aussi, ce que cherche à faire Hemingway. Malgré leur relation très proche à cette époque-là, il y a une incompréhension fondamentale entre les deux hommes. Ce que Dos Passos veut dire, c'est que cette génération est perdue si elle s'enferme justement dans ces petits problèmes individuels, de rapport à soi, de rapport aux autres, et qu'à ce moment-là, elle est perdue non seulement pour elle-même, c'est-à-dire au sens où ces individus sont perdus, n'arrivent pas à retrouver un sentiment d'eux-mêmes, une confiance en eux-mêmes, etc., et donc là, en un sens presque psychologique ou psychanalytique, mais elle peut devenir une génération perdue au sens historique, c'est-à-dire une génération qui ne sert à rien, une génération qui ne sert à rien d'autre qu'à ressasser ses propres problèmes. Là où, pour De Spassos, il y a autre chose à faire de ce traumatisme, plutôt que, pour être un peu schématique, plutôt que de le retourner en dedans, le retourner en dehors. Et donc, accuser celles et ceux, surtout ceux qui sont responsables de ce traumatisme, qui sont responsables de cet état de choses, et qui sont le gouvernement, le système capitaliste, etc. C'est aussi une manière pour lui de prendre position comme ce qu'il perçoit comme un individualisme finalement un petit peu bourgeois de la part de Hemingway, de Fitzgerald et d'un certain nombre de ses écrivains expatriés dans lesquels il se reconnaît de moins en moins. Et la génération perdue a vraiment une durée extrêmement courte. Donc on l'a figé dans cette image d'Épinal, clinquante, de fille en robe Charleston dansant sur du bebop, etc. Mais il y a aussi l'envers du décor, c'est cette conscience aiguë qui vont se rediriger vers une époque où la violence est toujours possible et où tout était là et tout sourd à nouveau. C'est la montée du fascisme, c'est les échos qu'on peut avoir avec la guerre d'Espagne, tout ça. Ils ne sont pas du tout déconnectés du monde qui les entoure. Hein. Ils ne sont pas tous engagés politiquement, mais quand même, ils ont tous une conscience de ce qui va advenir. Pendant ce temps, l'hiver approchait et mon argent s'épuisait. Le nombre d'Américains à Paris baissait aussi régulièrement que les valeurs boursières. Et je voyais de moins en moins de visages familiers dans le quartier. Comment allais-je faire pour tenir jusqu'au printemps? Jamais je n'avais eu moins envie de rentrer au Bercail. Je me sentais en passe d'écrire une poésie acceptable, et il me fallait vivre dans l'atmosphère de cette ville, faute de quoi je cesserai d'écrire tout de bon. Ce qui est frappant, c'est que quand ils sont ici, ils sont en groupe. Ils se déplacent toujours en bande, même quand ils vont en vacances, quand ils vont à Berlin, ils y vont tous ensemble. Quand ils vont à Venise avec Nancy Quenard, ils sont toute une bande. Enfin, quand Hemingway va sur la Côte d'Azur, c'est avec les Murphy et Fitzgerald. Enfin, ils se déplacent toujours en groupe. Et puis ensuite, quand ils reviennent aux États-Unis, en fait, ils sont éparpillés. Il y en a quelques-uns quand même qui sont à New York, mais la plupart retournent dans leur région d'origine. Ils se retrouvent disséminés aux quatre coins des États-Unis et c'est fini, c'est plus les années 20. Ça a été un moment formidable où ils étaient tous ensemble dans un pays qui leur laissait une grande liberté. Ils avaient de l'argent, ils étaient jeunes. Et c'est pour ça que dans Paris est une fête, le regard que porte Hemingway sur Paris est aussi émerveillé parce que c'était leur jeunesse et c'était des années qui sont restées cristallisées dans leur mémoire comme les plus belles années de leur vie. Mais comment rester à Paris? Telle était la question. Et elle se posa bientôt avec la dernière urgence. Le 1er novembre, je n'avais pas payé ma note d'hôtel depuis 3 semaines. Un matin, je découvris que mes bagages avaient été saisis et ma chambre louée à quelqu'un d'autre. Hemingway disait qu'en fait, les plus belles années de sa vie, c'était avec sa première épouse et à Paris. Et puis Fitzgerald, eh ben, il a aussi vécu des heures glorieuses, puisqu'ensuite ça a tourné en autre boudin, et ben, il est mort parce qu'il était totalement alcoolisé et totalement oublié. Lui aussi avait été complètement écrasé par sa renommée, et puis ensuite le changement de l'Amérique qui a fait qu'on l'a complètement oublié. Quand par exemple il publie The Great Gatsby ou Un diamant gros comme le Ritz, c'est un écrivain à la mode, au contraire. Parce que non seulement il est brillant, il sait expliquer les choses, cerner les psychologies, mais pour beaucoup ça se passe à Paris. Donc ça fait rêver la ménagère du Middle West qui s'imagine qu'à Paris c'est le Ritz tous les jours. Alors, la chute est d'autant plus dure pour Fitzgerald qui finit petit auteur de script qui meurt d'alcoolisme. Et puis Hemingway, il a eu des hauts et des bas. Alors même si effectivement il a été prix Nobel, il est passé dans l'histoire, c'est quand même un homme qui était terriblement tourmenté. D'ailleurs, lui aussi, il a fini par se suicider. On mange la vie par les deux bouts, on vit au maximum, c'est-à-dire qu'on boit, on fait tout, qui fait que la vie s'use très vite. Et puis il y a une sorte de collapsus, il y a un moment donné où effectivement on ne sait plus très bien où on est, on a goûté à tout, on n'espère plus rien, et ben du coup c'est vrai que c'est la mort, peut-être pour certains quand ils sont vraiment fragiles, qui fait que ben voilà, le problème est résolu. On les retrouve tous très abîmés, on parlait de l'alcool, de la maladie pour beaucoup, il y a des suicides, hein. Maintenant, 29 c'est une année où il y a énormément de suicides chez les artistes, mais il y a énormément de suicides en général dans la société, on voit à Paris. Et puis surtout, ils n'ont pas tous eu le succès qu'ils avaient escompté, Hemingway le perce, mais il y en a énormément qui sont laissés sur le carreau. Ils se retrouvent donc à rentrer chez eux un peu malgré eux, donc poussés et par la crise économique et ensuite pour McAlmont par la guerre. C'est pas vraiment des choix de vie, ils sont assez isolés, voilà, c'est la mélancolie aussi qui atteint les gens au milieu d'une vie qui n'a pas forcément correspondu en tout point à ce qu'ils avaient imaginé dans leur jeunesse. Le retour serait une capitulation, une retraite coarde, un aveu de défaite. Le lendemain soir, Schooner et moi nous assîmes au petit tabac du boulevard de Montparnasse afin d'examiner ma situation. Il me conseilla de rentrer au pays. Sans argent, tu ne seras pas libre de tes mouvements. Tu n'es peut-être pas au courant, mais il y a eu un crash boursier retentissant à New York, Londres, Paris et Tokyo. Et on dirait bien que la fête est finie. Quoi qu'il en soit, tout le monde rentre à la maison. La crise véritablement n'arrive en France qu'en 30-31, et là effectivement la vie devient très difficile, et c'est là où il y a la montée des extrêmes, et puis le fait que l'Europe devient un champ de bataille en devenir. Enfin, on sent que ça va mal se terminer. Donc c'est plus sécurisant de retraverser l'Atlantique et de retourner chez l'oncle Sam. Paris n'est plus Paris, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir cette vie désinvolte, insouciante, et cette facilité. Donc beaucoup retournent effectivement aux États-Unis. Le mode de vie des expatriés n'est plus de mise. Le crépuscule des dieux s'installe. Les banquiers internationaux ferment les accès au ciel, ou plutôt abaissent le rideau de fer. Fini le crédit, les jeux sont faits. Le monde doit reprendre le collier. Des écrivains américains à Paris. Une génération perdue. Avec Alice Béja, Nancy Green, Maud Simoneau et Vincent Bouvet. Merci à Philippe Rochefort, Nicole Fouché et Paris Zigzag. Lecture de Mémoire de Montparnasse de John Glasgow, Geoffrey Carré. Documentaliste Anne-Lise Signoret. Coordination Perrine Kervran, Marivonne Bolivier. Prise de son Yann Frécy et Benjamin Thuot. Mixage Claude Niort. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Diffy Mariani.